إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للصلوات الخمس أوقاتا افترض على المسلمين أداء الصلاة في تلكم الأوقات، وجعل هذا الوقت شرطا لصحة الصلاة، فأي صلاة وقعت قبل وقتها فإن هذه الصلاة غير مقبولة إلا بعذر شرعي. وجمع من أهل العلم قالوا إن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر لم يجزئه أداؤها، فقد ارتكب إثما كبيرا وجرما عظيما. أيها المسلمون والمسلمات، إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أداء الصلاة في تلكم الأوقات لحكمة عظيمة. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الوقت. وقال عز وجل: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس يشمل وقتي الظهر والعصر، وقوله عز وجل إلى غسق الليل يشمل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يشمل صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que de par la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'accomplir 5 prières. Et il a donné à chacune de ces prières un moment bien déterminé dans lequel celle-ci doit être accomplie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ces horaires de prière soient une condition de validité de cette même prière. Ainsi, toute prière qui est accomplie avant son heure n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si la personne a une excuse islamiquement acceptée. Et un certain nombre de savants considèrent que celui qui retarde également la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure, sans excuse islamiquement acceptée, eh bien cette prière ne sera pas acceptée de lui également. Et il aura accompli un immense péché. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir ces prières à leurs heures respectives. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps interminés, à des temps déterminés. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate al-Isra, accomplis la prière du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la lecture de l'aube. La lecture de l'aube a des témoins. La parole d'Allah Azza wa Jal accomplit la prière du déclin du soleil. Cela inclut les heures de la prière de Dhuhr et de la prière de l'Asr. Et la parole d'Allah Azza wa Jal jusqu'à l'obscurité de la nuit inclut l'heure du Maghrib et l'heure du Isha et la lecture du Fajr, c'est-à-dire la prière de l'Fajr et la lecture à l'aube à des témoins que sont les anges. Wa nabiyuna alayhi salatu wa salam yaqul kama fi sunan an-Nasa'i wa Ibn Majah khams salawat افترضهن الله على العباد فمن أحسن وضوها وأتم ركوعها وخشوعها كان على الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أيها المسلمون والمسلمات الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله. سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني رواه البخاري ومسلم. أيها المسلم إن أداءك الصلاة في وقتها يجعلك من أهل الخير والصلاح. دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المسجد فرأى الجماعة يصلون فقال أبشروا ليس فيكم من بعث النار أحد. ثم تلا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. بمعنى أن أداءكم للصلاة في الوقت أمان لكم من عذاب الله بتوفيق من الله وفضل. Puis sachez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par An-Nasa'i et Al-Imam Ibn Majah et d'autres, il dit alayhi salatu wa salam, cinq prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites envers ses serviteurs. Celui qui accomplit de façon parfaite les ablutions et celui qui accomplit de façon parfaite et complète les inclinaisons et l'humilité ainsi que la concentration dans ses prières, eh bien Allah Azza wa Jal prend l'engagement de le faire entrer au paradis. Et celui qui ne préserve pas ses prières, il n'aura pas d'engagement de la part d'Allah. S'il veut, il lui pardonnera, et s'il le souhaite, subhanahu wa ta'ala, il le châtiera. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que d'accomplir la prière à son heure fait partie des œuvres les plus aimées chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô envoyé d'Allah, quels sont les actes les plus aimés chez Allah? Il a répondu alayhi salatu wa salam, c'est d'accomplir la prière à son heure. Puis il a dit ensuite, il a répondu alayhi salatu wa salam, c'est de faire preuve de bonté envers ses parents. Et ensuite, il a répondu alayhi salatu wa salam, c'est le fait de combattre dans le sentier d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa salam qui m'a informé de cela directement. Et si j'avais demandé plus d'informations, il me les aurait données, alayhi salatu wassalam. Sachez également que le fait d'accomplir la prière à son heure fera en sorte que tu fasses partie des gens vertueux et des gens de bien. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma est rentré un jour dans une mosquée et il a vu un groupe de musulmans prier. Il leur a dit, je vous annonce la bonne nouvelle. Il n'y a personne parmi vous qui font partie des gens de l'enfer. Puis il a récité la parole d'Allah Azzawajal dans Sourate Al-Muddathir. Qu'est-ce qui vous a acheminé dans le Saqar? Lorsque les gens de l'enfer seront questionnés, qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, qui est un des noms de l'enfer? Parmi leurs réponses, nous ne faisions pas partie des prieurs. Cela signifie que le fait qu'ils aient accompli leur prière à son heure, ceci est une sorte de sécurité contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci de par la grâce et la bonté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم وقت الصلاة حق التعظيم. شغله المشركون يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: شغلونا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. ثم قام عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. إن الله عز وجل ألزم المسلمين بالمحافظة على الوقت حتى في شدة الخوف ومصافة العدو. ففي إحدى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصاف للعدو حضر وقت الصلاة، فأنزل الله عز وجل وأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام كيفية أداء صلاة الخوف، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صفا وراءه وصفا تجاه العدو، فإذا قضى أولئك ركعة أتموا لأنفسهم ثم أتى الآخرون فأتموا معه صلى الله عليه وسلم ركعة، كل ذلك حفاظا على الوقت ورعاية لجانب الوقت. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que notre prophète صلى الله عليه وسلم donnait une immense importance à l'heure de la prière. Lorsque, pendant la bataille de l'Ahzab, pendant la bataille des coalisés, lorsque un grand nombre de polythéistes ont entouré Médine et ont assiégé Médine, les musulmans étaient obligés de rester pour faire face aux polythéistes et aux tribus qui les avaient rejoints. Les musulmans avaient creusé des tranchées pour empêcher les polythéistes de pénétrer à Médine. Et les tentatives des polythéistes pour traverser cette tranchée étaient nombreuses. Ainsi, les musulmans devaient sans cesse être présents en face de l'ennemi afin de le repousser, de l'empêcher d'entrer dans l'enceinte de Médine. Et pendant cette bataille de l'Ahzab, les polythéistes ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Et le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons n'ont pas eu la possibilité d'accomplir la prière de l'Asr. Et à ce moment-là, la prière de la peur n'était pas encore légiférée. Le prophète sallallahu alayhi wassalam a dit: ils nous ont occupés, qu'Allah remplisse leurs tombes et leurs maisons de feu de la même façon qu'ils nous ont occupés, et ne pas avoir accompli la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de l'Asr, puis l'a suivi de la prière de l'Maghrib. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir la prière à son heure, même dans les moments difficiles, même dans les moments de peur, même dans les moments de guerre. Ainsi, lors d'une bataille, parmi les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il combattait l'ennemi alayhi salatu wa sallam, l'heure de la prière est entrée. Et les polythéistes ont dit que les musulmans allaient accomplir la prière et que ce serait l'occasion de les assiéger pendant l'accomplissement de celle-ci. Allah Azza wa Jal a alors révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est cité dans Surat al-Nisa, Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière de la peur. La prière de la peur s'accomplit de différentes façons. Et parmi ces façons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de la peur, qui est constituée de deux unités de prière uniquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière. Derrière lui, un groupe de compagnons qui accomplissait derrière lui la prière et un autre groupe qui faisait face à l'ennemi. Lorsque le groupe qui priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la première rak'at avec le prophète alayhi sallatu wa sallam, ils accomplissaient la deuxième rak'at seuls et le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait debout. Une fois que le groupe a terminé sa deuxième rak'at, le groupe qui était face à l'ennemi allait rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir leur première rak'at derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la deuxième pour le prophète alayhi sallatu wa sallam. Et une fois le prophète alayhi sallatu wa sallam ayant accompli la deuxième unité, eh bien les compagnons terminaient seuls leur deuxième unité de prière. La prière de la peur a été légiférée afin de préserver l'accomplissement de la prière, même en étant en guerre. ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن تأخير الصلاة عن وقتها علامة للنفاق فالمنافقون لا إيمان في قلوبهم لا يبالون بهذه الفريضة أدوها في وقتها أم خرج وقتها قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقال عز من قائل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إضاعة الصلاة بأن ذلك تأخيرها عن وقتها وقال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فسرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا السهو هو عدم فعل الصلاة في وقتها إن وقت الصلاة من حكمه ارتباط العبد دائما بطاعة الله فإنها خمس صلوات في اليوم والليلة فأداؤها في هذه الأوقات تجعل العبد دائما على صلة بربه وارتباط قوي بطاعة الله عز وجل. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait de retarder la prière en dehors de son heure fait partie des signes qui caractérisent les hypocrites. Les hypocrites qui n'ont pas de foi dans leur cœur, ainsi ils ne prêtent aucune attention à cette obligation qui est d'accomplir la prière à son heure. Peu importe pour les hypocrites que la prière soit accomplie à son heure ou qu'elle soit accomplie en dehors de son heure. Allah Azza wa Jal dit son le sens. Les hypocrites veulent ruser avec Allah alors que c'est Allah qui ruse avec eux. Et lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent en étant fainéants. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, dans sourate Maryam, et un groupe est venu par la suite, qui ont été manquants et ont délaissé la prière et ont suivi leur passion. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont expliqué la parole d'Allah azza wa jal, ad'a'u salah, c'est-à-dire qu'ils ont accompli la prière après son heure. Et dans la parole d'Allah azza wa jal, dans Sourate Al-Ma'un, malheur aux prières qui, dans leur prière, sont distraits. Et également ici, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont expliqué cette distraction comme étant le fait de ne pas accomplir la prière à son heure. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait d'accomplir la prière à son heure a une sagesse. Parmi ces sagesses est le fait que le musulman est sans cesse en relation avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont 5 prières qui sont prescrites de jour comme de nuit. Ainsi, le fait de les accomplir à leurs heures respectives permet aux musulmans d'être sans cesse en relation avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن أداءك لهذه الصلاة في وقتها سبب لمغفرة الذنوب واستغفار الملائكة لك وشهادتهم لك بالخير. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أيها المسلمون، إن من الأسف الشديد أن البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم صراطه المستقيم استخفوا بأوقات الصلوات ولم يبالوا بها ولم يقيموا لها وزنا. ترى الواحد منهم لو اهتم بسفر في وقت ما أو في ساعة ما لاستيقظ قبل ميعاد السفر بوقت يضمن فيه المحافظة على وقت السفر. وتراه أحيانا لو عنده موعد مع طبيب أو غيره لكان مسارعا لذلك. فما بالك أيها المسلم بأوقات الصلوات، كيف تتهاون بها وكيف تضيعها؟ البعض من المسلمين قد لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وبعضهم ربما نام العصر فلم يصلي إلا بعد المغرب. هذا من التهاون، وهذا الكسل وعدم المبالاة بوقت الصلاة من كبائر الذنوب. فاحذر أيها المسلم من هذه الخصال الذميمة، فإن من العلماء كما أسلفنا من يقول: الصلوات الخمس محددة في الوقت، فكما لا تصح قبله فإنها لا تجزئ بعده إلا لعذر شرعي. والعذر الشرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك. رواه البخاري ومسلم. فاهتم أيها المسلم، اهتم بوقت الصلاة واعتني بها، واعلم أن تأخيرها عن وقتها خلق المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان نقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم في صحيحه. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait d'accomplir la prière à son heure est une cause pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une cause qui permet également que les anges demandent le pardon d'Allah azza wa jal en ta faveur. Et le fait d'accomplir la prière à son heure, les anges pourront témoigner en ta faveur. Il dit alayhi salatu wassalam, il y a des anges qui viennent et partent le jour et la nuit. Ils se réunissent à la prière de l'Asr et à la prière de l'Fajr. Puis, ils montent vers Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal leur demande, tout en sachant parfaitement subhanahu wa ta'ala la réponse, il leur demande, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Les anges répondront, nous les avons laissés alors qu'ils étaient en prière et nous les avons trouvés alors qu'ils étaient en prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers musulmans et musulmanes, il est malheureux de constater que certains musulmans, qu'Allah nous guide et les guide vers le droit chemin, ont négligé le fait d'accomplir les prières à leurs heures respectives. Ils ne prêtent aucune attention et ne donnent aucune importance aux horaires des prières. L'on constate que certains d'entre eux, lorsqu'il s'agit de voyager, sortent suffisamment tôt pour ne pas compromettre leur voyage. Lorsqu'ils ont un rendez-vous, que ce soit chez le médecin ou que ce soit pour l'obtention d'un travail, eh bien, ils mettent en cause, ils mettent en œuvre tous les moyens pour que ce rendez-vous ne soit pas loupé et qu'il arrive à l'heure déterminée. Pourquoi alors, chers musulmans et musulmanes, pourquoi alors ce délaissement? Pourquoi alors cette insouciance? Pourquoi alors ce manquement vis-à-vis de ces prières obligatoires? Comment peux-tu les délaisser? Comment peux-tu ne pas leur donner l'importance qui est la leur? Certains n'accomplissent la prière du Fajr qu'après que le soleil se soit levé. D'autres, malheureusement, et c'est ce que l'on constate malheureusement de plus en plus, prient les cinq prières le soir. Ils prient la prière de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha lorsqu'ils rentrent du travail. Et lorsque tu lui demandes pourquoi accomplis-tu les prières en dehors de leurs horaires, pourquoi retardes-tu les prières après que leurs heures respectives soient écoulées, il te répond « je n'avais pas la possibilité ». Il te répond « cela est difficile ». Ce ne sont que des prétextes, chers musulmans et musulmanes. Celui qui veut accomplir ses prières à l'heure, que ce soit au travail ou que ce soit à l'école, eh bien, il aura la possibilité de le faire. Il faut avoir la volonté et Allah Azza wa Jal facilite les causes. Ainsi, le fait de retarder les prières en dehors de leurs horaires, que ce soit pour cause de travail ou à cause de l'école, ou toute autre cause qui n'est pas islamiquement acceptée, tout ceci ne sont que des prétextes qui ne sont pas pris en compte en islam. Et celui qui retarde la prière en dehors de son heure, comme le disent certains savants, sa prière n'est pas acceptée. De la même façon qu'elle n'est pas acceptée lorsqu'il accomplit les prières avant leurs heures, eh bien elles ne sont pas acceptées également lorsqu'il les accomplit après son heure. Vous savez, chers musulmans et musulmanes, que demain, dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons passer en heures d'hiver. Et pendant les heures d'hiver, vous savez tous, et surtout dans les pays d'Europe, que les heures de prière se succèdent les unes après les autres. En général, la prière de Dhuhr a lieu à 13h, la prière de l'Asr a lieu à 15h, la prière de l'Maghrib à 17h, et ainsi de suite. Les journées sont courtes, ainsi les heures de prière sont étroites et il n'y a pas de grand laps de temps entre les différentes prières. Prenez donc en compte cela, chers musulmans et musulmanes, et accomplissez vos prières à l'heure, que vous soyez en heure d'été ou en heure d'hiver. Le musulman adore son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, tous les jours de l'année, quelles que soient les heures, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de laxisme à avoir en hiver, plus qu'en été. Et les causes islamiquement légiférées pour retarder la prière, c'est le fait de voyager, par exemple. Le fait de voyager est une raison islamiquement valide pour accomplir une prière en dehors de son heure ou après son heure. Car il est autorisé aux voyageurs de réunir entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr, que ce soit à l'heure de Dhuhr ou à l'heure de l'Asr, de même qu'il lui est autorisé d'accomplir la prière du Maghrib et la prière du Isha, que ce soit à l'heure du Maghrib ou à l'heure du Isha. Lorsque tu es emporté par le sommeil et que lorsque tu te réveilles, la prière de l'Asr, par exemple, est sortie de son heure, alors ceci est une excuse valable. Lorsque tu as oublié d'accomplir une prière, ceci aussi est une excuse valable. Lorsque tu es malade, il t'est autorisé de rassembler entre les prières. Également, lorsque tu fais face à une situation inhabituelle, lorsque tu fais face à une contrainte particulière, que ce soit dans ton travail ou que ce soit à l'école, eh bien, il t'est autorisé, en cas de besoin, de réunir les prières, que ce soit la prière de Dhuhr ou la prière de l'Asr ou la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha. Sachez également, chers musulmans et musulmanes, que le fait de ne pas accomplir la prière à son heure fait partie des comportements des hypocrites. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, telle est la prière de l'hypocrite. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit cette prière de l'hypocrite. Il scrute le soleil jusqu'à ce que le soleil se trouve entre les deux cornes du diable. Alors il accomplit les quatre rak'at. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'hypocrite qui accomplit la prière de l'Asr. Il scrute le soleil jusqu'à ce que le soleil s'apprête à se coucher. C'est alors que cet hypocrite accomplit la prière de l'Asr de façon expéditive en n'évoquant que très peu le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للمحافظة على هذه الصلوات في وقتها ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحافظين والمحافظين والمديمين لأدائها وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.